إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 35 dans la lecture du livre Amdatul Ahkam. C'est le charh de Taysir al-Allam, charh de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah. Et on est arrivé au hadith numéro 72 dans le livre, dans Babul Imama, le chapitre 11, dans Kitab al-Salat. Et le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, on a commencé à le lire au dernier cours, an Abi Huraira radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخشى الذي يرفع رأسه أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار رواه البخاري ومسلم. Donc le hadith lui-même est rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه selon Abu Huraira par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lève sa tête avant l'imam, ne craint-il pas que Allah transforme sa tête en tête d'âne, ou qu'il transforme, ou qu'il fasse de son apparence une apparence de d'âne, ou qu'il le fasse ressembler à un âne. Donc c'est une menace en même temps pour dire que la personne qui prie derrière un imam, il ne doit pas le précéder dans les mouvements. Et le cheikh il explique, il dit « وغريب الحديث أما قال الشوكاني أما مخففة حرف استفتاح أصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ. » Donc أما, il explique que c'est يعني حرف استفتاح et que le ma c'est ma nafia, donc c'est des termes grammaticaux, et que c'est dans le but de blâmer, dans le but de blâmer la personne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Yakhsha yani yakhaf wal ma'na falyakhaf. لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. Donc le but ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne craint-il pas, c'est dans le but de dire en réalité qu'il craigne, ou qu'il fasse attention, qu'il prenne garde, que s'il lève sa tête avant l'imam, Allah transforme sa tête en tête d'âne. Et c'est ça que le cheikh explique dans le sens général du hadith. Il dit innama ju'ila al-imam fi as-salah liyuqtada bihi wa yu'tamma bihi بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته وبهذا تتحقق المتابعة فإذا سبقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. Donc le cheikh il dit que l'imam dans la salat, il a été mis pour qu'on le suive, pour qu'on prenne, hein, pour qu'on le prenne comme, comme modèle ou comme exemple dans la salat. Donc on doit le suivre dans chaque mouvement qu'il fait. C'est-à-dire que quand l'imam fait le mouvement, toi tu fais le mouvement après lui. Tu ne fais pas le mouvement avant lui et tu ne fais pas le mouvement en même temps que lui. Tu fais le mouvement après que lui l'a terminé, là tu fais le mouvement. Parce qu'on voit souvent des musulmans, Allah Musta'an, on dirait qu'ils vont faire, ils veulent faire la course avec l'imam. Hein? Peut-être que parce qu'ils sont pressés, ils veulent finir plus vite, donc ils se dépêchent, ils veulent faire les mouvements avant l'imam. Ou bien ils font les mouvements presque en même temps que l'imam. Tu vois que l'imam il se baisse, eux ils se baissent en même temps que lui. L'imam il se prosterne, eux ils se prosternent en même temps que lui. Il dit Allahu Akbar, eux ils sont déjà en même temps que lui en train de se prosterner. Ça c'est pas correct non plus. On a été ordonné de suivre l'imam, pas de suivre dans le sens qu'on le fait en même temps, mais de faire les choses après que lui il l'a fait. Il y a même un hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, il penchait son dos. Les sahaba, ils ne penchaient pas leur dos pour se prosterner jusqu'à ce que le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait touché le sol. Quand le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam touche le sol, il commence à descendre pour se pencher, pour se prosterner. Pas avant. Mais aujourd'hui, Allah musta'an, beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas ces exemples-là. Et donc, tu les vois, ils font les mouvements en même temps que l'imam. Hein, et ils font la course avec l'imam, Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, tu dois faire les mouvements après que l'imam ait fait le mouvement. Et c'est ainsi que tu auras suivi comme il faut l'imam. Si tu précèdes, hein, si la personne qui est derrière l'imam, elle précède l'imam, alors là, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un imam? À quoi ça sert d'avoir un imam? Hein? Parce que le mot imam, ça veut dire un guide. Hein? Ça veut dire un guide, quelqu'un qui prend le devant, qui te montre le chemin. Hein? Ou bien qui prend les devants. Donc c'est lui qui est en avant, qui te guide dans la prière. Donc toi, tu dois le suivre. Si tu fais les mouvements en même temps que lui ou avant lui, dans ce cas-là, pourquoi on a un imam? À quoi sert l'imam dans ce cas-là? Et c'est pour ça que la menace sévère est venue à propos de la personne qui relève sa tête avant que l'imam relève sa tête. Que Allah subhanahu wa ta'ala va faire que sa tête soit transformée en tête d'âne. Ou bien qu'il va lui donner l'apparence d'un âne. Il va faire que son image soit une image d'âne. Hein? En transformant sa tête en tête d'âne. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il va transformer sa tête de l'image, l'apparence la plus belle vers l'apparence la plus laide. Et ça c'est en rétribution par rapport à l'action qu'il a fait avec ce membre de son corps en levant sa tête dans la prière. Et donc ça c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh, il parle des divergences entre les ulama à ce sujet. اختلاف العلماء في السبق. Il dit, اختلف اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد. ولكن اختلفوا في بطلان صلاته. فالجمهور على أنها لا تبطل. قال الإمام أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة. وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. Donc le cheikh il parle des divergences des ulama sur cette question là, à savoir celui qui précède l'imam dans un mouvement dans la salat, Est-ce qu'on dit à ce sujet-là que c'est interdit et que c'est un péché seulement, ou bien que ça annule complètement la salat? Hein? Et donc le cheikh il dit que à ce sujet-là, les ulama sont d'accord que c'est interdit. Celui qui a précédé l'imam, il n'y a pas de doute que c'est interdit de le faire. Et ça, il y a la preuve de ça, c'est dans la menace que qu'est-ce qu'on a lu dans le hadith. Mais la divergence, c'est au sujet de la nullité de la prière. Est-ce que la prière devient nulle à cause de ça? Et le cheikh explique que la majorité des ulama, le jumhur des ulama, considèrent que ça n'annule pas la prière. Ils considèrent que ça n'annule pas la prière. Toutefois, l'imam Ahmad, lui, dans sa risala, il considère que celui qui a précédé l'imam, sa prière n'est pas valide. Elle n'est plus valide dans ce cas-là. Et les compagnons de l'imam Ahmad ont dit, celui qui précède son imam par un pilier de la salat, comme le rukou' ou le sujoud, il doit revenir. Hein? S'il a, on va dire qu'il a fait le sujoud avant l'imam. Parce que là, il doit se remettre dans la position dans laquelle il était. Hein? Il revient et il doit donc se remettre avant que l'imam se prosterne. Donc, si lui il s'est prosterné avant l'imam, puis l'imam ne s'est pas encore prosterné, il doit se rasseoir. Puis il doit attendre que l'imam se prosterne pour se prosterner après lui. S'il ne le fait pas volontairement, hein, alors dans ce cas-là, s'il ne le fait pas volontairement avant que l'imam les rejoigne dans la prosternation, alors dans ce cas-là, sa salat est plus valable. C'est-à-dire que si lui s'est prosterné avant l'imam, puis que l'imam il l'a rejoint dans la prosternation, lui il n'est pas revenu avant que l'imam le rejoigne, dans ce cas-là, sa prière n'est plus valable. Et le cheikh il dit que cette position-là, c'est la position qui est correcte. C'est elle la position qui est la plus correcte. Hein? Et il dit que le fait de précéder l'imam dans la prière, volontairement, intentionnellement, que ça annule la prière, et c'est la position qui a été choisie également par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Parce qu'il dit que la menace implique l'interdiction. Et l'interdiction implique que l'acte est corrompu ou n'est plus valable. Ils disent Al-wa'id yaqtadi al-nahi ou al-nahi yaqtadi al-fasad. Donc l'interdiction implique que l'acte il est fasid, c'est-à-dire il n'est pas bon, il n'est pas valable. Al-istinbat min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut extraire comme règle de ce hadith? Le cheikh il dit الاستنباطات من الحديث أولا il a mentionné sept choses. Sept choses sur ce hadith qu'on peut tirer de ce hadith comme règle. Hein? Vous voyez, dans des fois les ulama ils lisent le hadith, ils sont capables de faire sortir des points et d'extraire des règles d'un hadith. Toi, si tu vas chercher, tu vas peut-être trouver une règle ou deux. Eux, ils en sortent plusieurs. C'est pour vous montrer en même temps la profondeur de la compréhension des ulama quand ils lisent les hadiths et quand ils lisent les versets. Donc le cheikh il dit awwalan tahrim raf' ar-ra's fi as-sujud qabla al-imam wal wa'id fihi dal 'ala man'ihi idh la wa'ida illa 'ala muharram wa qad aw'ada 'alayhi bil maskh wa huwa min ashadd al-'uqubat. Donc le cheikh il dit premièrement l'interdiction de lever la tête dans le sujoud avant l'imam. Et la menace indique l'interdiction. La menace prouve l'interdiction. Puisqu'il n'y a pas une menace qui vient dans les textes excepté pour quelque chose qui est muharram, c'est-à-dire qui est interdit. Et ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacer la personne d'être métamorphosée ou changée en âne. Et ça, c'est une des punitions les plus sévères parmi les punitions. Le cheikh, il dit « Yulhaqu bidhalika musabaqatu al-imam fi kulli tanaqqulati as-salah wa ليس هذا من باب القياس وحده، فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. Donc le cheikh il dit qu'on peut faire rentrer dans le fait de précéder l'imam dans la prière, pas seulement le fait de relever la tête avant l'imam, mais dans tous les autres mouvements de la salat, et c'est pas seulement basé sur le qiyas, l'analogie, hein, l'analogie qui est valable, mais également qu'il y a en plus de l'analogie du qiyas qui est authentique ici et qui est valable, eh bien il y a également une narration qui est rapportée, hein, par, selon Abu Huraira, rapportée par Al-Bazzar, selon Abu Huraira, qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que celui qui se baisse ou qui se lève avant l'imam, son toupet est entre la main du shaitan. Son toupet est dans la main du shaitan. Donc ça indique que la menace de précéder l'imam ne se limite pas uniquement au fait de se relever du sujoud, par exemple, ou du recours. Le point numéro 3, wujub mutaba'ati al-ma'moum lil-imam fi as-salah. Le point numéro 3, qu'est-ce qui est indiqué par ce hadith? L'obligation de suivre l'imam dans la salat. L'obligation que la personne qui est ma'moum, c'est-à-dire qui est derrière l'imam, elle suive son imam dans la salat. Ça, c'est une autre chose qui est indiquée par ce hadith. Le point numéro 4, inna al-jaza'a min jinsi al-amal. فحين كان الرفع في الرأس جوزيا بالوعيد بالمسخ. Donc il dit que une autre chose qui est indiquée par ce hadith, c'est que la rétribution pour un acte correspond à l'action. La rétribution pour un acte correspond à l'action en question. Donc par exemple, yani celui qui fait un péché en particulier, eh bien, il est rétribué par quelque chose qui correspond. Et ici, par exemple, étant donné que la personne, elle a relevé sa tête avant l'imam, eh bien, elle est rétribuée par le fait d'être menacée d'avoir sa tête transformée en âne, métamorphosée en âne. Ça veut dire que si tu as fait ce péché-là avec ta tête, donc c'est ta tête qui est punie. Donc, al-jaza'u min jins al-amal, c'est une règle pour dire que la punition, elle correspond toujours au péché, et la récompense, elle correspond toujours à la bonne action. D'accord? Donc, ça, c'est une règle générale dans la religion, et même dans la dunya, c'est comme ça. Al-jaza'u min jins al-amal. On dit des fois, tu récoltes ce que tu sèmes. Et bien, dans la religion, c'est comme ça aussi. Et le cheikh, il dit, tawa'ud al-musabiq bil-maskhi ila surat al-himar lima baynahu wa bayna al-himar min al-munasabati wa al-shabahi fi al-baladati wa al-ghaba li'anna al-musabiq إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة فدل على غبائه وضعف عقله. Donc le cheikh dit le point numéro 5, c'est la menace du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé cette personne qui a précédé l'imam de transformer son apparence en apparence d'âne ou de mule. Et la raison de ça, c'est à cause du lien qu'il y a, de la ressemblance qu'il y a entre lui et l'âne dans la stupidité et dans la bêtise. Pourquoi? Parce que la personne qui précède son imam, il sait très bien que même s'il se précipite et qu'il fait les mouvements avant l'imam, il ne va pas pouvoir sortir de la prière avant l'imam. Donc même s'il se dépêche, hein, ça lui amènera à rien. Il ne va pas dépasser l'imam de toute façon. Il ne peut pas finir la prière avant l'imam. Et donc ça, c'est une indication de sa stupidité et de la faiblesse de sa raison. Et de sa, de la faiblesse de son intelligence, en fait. Le cheikh, il dit comme point numéro 6, « Tadullu musabaqatu l'imami ala rahbati fisti'ajal al-khuruj min as-salah. Wa zalika maradun dawa'uhu an yatadhakkar sahibuhu annahu lan yusallim qabla l'imam. » Donc il dit que le fait qu'une personne veuille précéder son imam, ça indique que la personne est pressée de sortir de la prière. Elle veut sortir rapidement de la prière. Elle est pressée. Et ça, c'est une maladie dont le remède est de se rappeler, hein, ou de, que la personne en question se rappelle qu'elle ne pourra pas faire le teslim avant l'imam. Hein? Le point numéro 7, « Al-wa'idu bitaghyir surati man yarfa'u ra'sahu qabla l'imam ila surati himarin amrun mumkin wa huwa min al-maskh lakinnahu lam yunqal wuqu'uhu wa yahtamil an yarfa' an yarji' al-ma'na min tahwil al-surati إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار. Donc il dit que la menace de transformer la personne pour lui donner l'apparence d'un âne, s'il lève sa tête avant l'imam, il dit que ça c'est quelque chose qui est possible. Le cheikh il dit ça c'est quelque chose qui est possible. C'est ce qu'on appelle en arabe al-masr. Hein? La métamorphose ou bien la transformation. Il dit, sauf que cela n'a jamais été transmis ou rapporté que quelqu'un, hein, ça lui est arrivé, cette chose-là. On n'a jamais rapporté que cette chose-là est arrivée à quelqu'un. Et il dit qu'il est possible que cela veuille aussi dire que cela revient à la signification. Dans le sens que le changement de la personne, la transformation de la personne, c'est plutôt dans le fait que la personne devient bête comme un âne, et non pas qu'elle se transforme en âne elle-même, d'accord, mais qu'elle devient bête comme un âne. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait devenir bête, cette personne-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il cite ensuite le hadith suivant, le hadith 73 dans عمدة الأحكام. Il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والحديث الآخر في هذا المعنى وفي هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه البخاري ومسلم. Donc les deux hadiths sont dans la signification qui est presque la même, les deux sont très semblables. Le premier rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu, et il dit que l'imam n'a été placé comme imam que pour qu'on le suive, hein, pour qu'on le prenne hein, comme exemple, comme modèle, comme guide. Et donc, ne divergez pas avec lui. Ne divergez pas avec lui. Lorsqu'il fait le takbir, hein, il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Lorsqu'il s'incline dans le recours, alors vous vous mettez en recours. Lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, hein, que Allah entende celui qui le glorifie, vous dites Rabbana lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Et lorsqu'il se prosterne, dans ce cas-là, vous vous prosternez. Et lorsqu'il prie assis, alors priez tous assis. Et l'autre narration, c'est selon Aïcha, radiallahu anha, elle a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié dans sa maison. Wa huwa shakin. Et ici, yani, c'est-à-dire qu'il était malade à ce moment-là. Donc, il a prié dans sa maison alors qu'il était malade. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié assis. Et les gens derrière lui ont prié debout. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué de s'asseoir. Ashara ilayhim anjlisu. Il leur a dit, asseyez-vous. Et lorsqu'il s'est tourné après la prière, il leur a dit, l'imam a été uniquement placé comme imam pour qu'on le suive, hein, pour qu'on prenne son exemple. Alors, si il fait le recours, il s'incline, alors faites le recours. Si il se relève, alors relevez-vous. Hein? Et il dit, si il dit, Sami Allahu liman hamida, alors vous dites, Rabbana wa lakal hamd. Et si il prie assis, alors priez tous assis. D'accord? Ça c'est le hadith. Maintenant on va lire les explications. À propos des termes qui sont mentionnés dans le hadith, qui sont des termes moins connus. Le cheikh, il en a mentionné quatre. Le premier, il a dit Al-fa, al-waqi'atu fa-kabbiru wa farka'u ila akhirihi lit-tartib wa ta'qib. Wa ma'na at-tartib an taqa' ba'dahu wa at-ta'qib bi an taliyahu mubasharatan fala tusawihi wa la tata'akhkhar anhu. Donc c'est ça. Il dit que le fa qui est placé devant le verbe kabbiru et irka'u, c'est le fa qui indique l'ordre et qui indique une suite, hein? Quelque chose qui vient après, le relais. Donc, la suite, c'est dans l'ordre, c'est dans le sens que tu dois le faire après lui. Donc, quand il fait le takbir, vous faites le takbir après lui. Et at-ta'qib, dans le sens que vous devez le faire directement après lui. Pas attendre trop longtemps non plus. Donc si par exemple l'imam, il fait le takbir, vous faites le takbir après lui. Vous attendez pas, je sais pas moi, 20 secondes après. Hein? Et quand il fait le recours, vous attendez pas, restez pas debout comme ça pendant 10 secondes, puis qu'après vous faites le recours alors que lui, il va se relever. Il faut suivre l'imam. Il ne faut pas faire le mouvement en même temps que lui ou avant lui, mais en même temps, il ne faut pas non plus retarder trop dans le suivi de l'imam. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est le contraire. Ils prennent trop de temps avant de faire le mouvement. Et quand ils commencent à le faire, c'est le moment où l'imam il a presque fini de faire son mouvement à lui. Et il se relève. Alors là, toi, tu as manqué ton recours dans ce cas-là. D'accord? Donc, il ne faut pas faire trop tôt. Il ne faut pas non plus faire trop tard le mouvement. Après, il dit, « Ju'ila min af'al al-tahwil ta'khudh maf'oulayn ahaduhuma na'ib al-fa'il wa thani mahdouf taqdiruhu imaman. » Yani, ça c'est des questions qui ont plus rapport avec la grammaire, donc on ne va pas traduire ça. Le point numéro 3, ajma'un ta'kidun li damir al-jam'. Donc, ça aussi c'est plus grammatical. Et il dit shak yani ismun fa'il min ash-shikaya wa hiya al-marad. Donc ici le terme shak c'est ismun fa'il min ash-shikaya, c'est dans le sens de la maladie, dans le sens de la maladie ici. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a prié dans sa maison alors qu'il était shak, c'est-à-dire qu'il était malade. Ok, le sens général du hadith, il dit وَفِي هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بَيَانُ صِفَةِ اقْتِدَى الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ وَمُتَابَعَتُهُ لَهُ فَقَدْ أَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الْحِكْمَةِ فِي جَعْلِ الْإِمَامِ وَهِيَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيُتَابَعَ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ بعمل من أعمال الصلاة وإنما تراعى تنقلاته بنظام ودقة فإذا كبر للإحرام فكبروا أنتم كذلك وإذا ركع فاركعوا بعده وإذا ذكركم وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله سمع الله لمن حمده فاحمدوه تعالى بقولكم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاتبعوه واسجدوا وإذا صلى جالسا يعجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين. Donc le cheikh il explique ici, il dit que dans ces deux hadiths on a la description l'explication de la description du suivi de l'imam, du suivi de l'imam de la part de celui qui prie derrière l'imam, et le fait qu'on doit suivre l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ici que la sagesse dans le fait de mettre un imam pour la prière, c'est que cet imam-là soit suivi et soit un modèle pour les autres qui sont derrière lui. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de divergence ou de retard entre nous et l'imam. Et il faut suivre et tenir compte des mouvements de l'imam avec précision et avec structure, avec organisation. Et donc, quand l'imam fait le takbir, al-ihram, takbiratul ihram, le premier takbir, alors vous le faites vous aussi. Et lorsqu'il fait le ruku' après, vous faites le ruku' après lui. Et lorsqu'il vous rappelle que Allah exauce celui qui le glorifie en disant Sami Allahu liman hamida, alors vous le glorifiez en disant Rabbana lakal hamd. Ou bien Rabbana wa lakal hamd. Les deux sont valables. Et lorsqu'il se prosterne, vous le suivez dans la prosternation. Et lorsqu'il prie assis, vous, si l'imam prie assis parce qu'il était en incapacité de se tenir debout, eh bien vous, étant donné que vous le suivez, vous aussi vous devez prier assis, même si vous êtes capable de vous tenir debout. Et il dit « فَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اشْتَكَى مِنَ الْمَرَضِ فصلى جالسا وكان الصحابة يظنون أن عليه القيام لقدرتهم عليه فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف وإنما يوافق لتحقيق المتابعة التامة والاقتداء الكامل بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز. Ici le cheikh il explique que Aïcha radiallahu anha elle a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici était malade et que c'est pour ça que il a prié assis. Et les sahaba eux ils ont pensé que le fait que eux ils étaient capables de rester debout, que c'était correct pour eux de prier debout, alors ils ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué de s'asseoir. Et lorsqu'il a terminé la salat, il s'est tourné vers eux et il leur a dit que vous ne devez pas diverger de votre imam. Si l'imam il prie assis, alors vous devez vous aussi prier assis, même si vous êtes capable de prier debout. Il y a une narration de ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que une des raisons pourquoi il ordonnait aux sahaba de prier assis, malgré qu'ils étaient capables de prier debout, c'est aussi pour dire que il a parlé de l'exemple des mushrikines. Il a dit que chez les mushrikines, ils prient souvent, pas ils prient souvent, c'est chez les mushrikines, ils sont assis, ils se tiennent debout devant leur roi et que le roi, lui, il reste assis. Donc lui, il a dit, pour pas que les gens voient ça de cette façon, que vous restez debout alors que votre dirigeant, il est assis. Donc, vous devez tous prier assis. Si l'imam est assis, vous devez prier assis derrière lui. Mais on va voir les divergences des ulama au sujet de cette question-là. Si l'imam récite, par exemple, la prière à haute voix, Non, même en voix douce, par exemple, oui, à voix basse, quand c'est le dhohr ou l'asr, là, tout le monde doit réciter le fatiha. Mais ne récite pas pour que les gens entendent. Mais quand c'est la prière à haute voix aussi, il y a divergence là, entre les ulémas sur cette question-là. Mais même dans ce cas-là, c'est obligatoire de réciter sourate al-Fatiha dans les silences de l'imam. Pendant que l'imam est entre les deux sourates ou bien entre chaque verset, si tu as le temps de réciter un verset après chaque verset, donc tu le fais toi aussi. Parce que la salat de sourate al-Fatiha, c'est un rukn de la salat. Par exemple, l'imam ne laisse pas assez de temps, par exemple, à la fin. Il faut trouver un temps pour le faire. Même si l'imam le récite très rapidement ou il le fait vite, toi aussi tu essaies de le réciter vite en chaque verset. Si c'est pas possible, dans ce cas-là, c'est sûr que tu es excusé si tu n'as pas le temps. Mais sinon, si tu as le temps, il faut pas le négliger. Non, c'est si quelqu'un le laisse volontairement, c'est là que certains ulémas ont dit que même la prière est pas valable dans ce cas-là. Mais bien sûr, bien entendu, comme on dit, il y a des différences d'opinion sur cette question-là. Mais en ce qui concerne le fait que la Fatiha, c'est un rukn, ça, il n'y a pas de doute. Et le cheikh, il dit, اختلف العلماء في صحة الائتمام المفترض بالمنتفل فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية وهو من أشد أنواع الاختلاف لأن مدار العمل على النية وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة الائتمام المفترض بالمتنفل وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد واختارها من أصحابه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ويستدلون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام في الصلاة الثانية متنفل. Donc ici ومعنى فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة. Donc نعم والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافه ما في النية كالتي تمنعونها فيلزمكم التناقض في الاستدلال واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا. Donc on va expliquer cette première partie. Et la divergence des ulama sur cette question-là, premièrement, les ulama ont divergé entre eux sur la question de la validité de la prière de celui qui prie une prière obligatoire derrière la personne qui prie une prière surérogatoire. D'accord? Donc ton imam, il fait une prière surérogatoire, puis toi, tu pries une prière obligatoire. Et les malikiyas, le madhab al-maliki et al-hanafi, et une des positions qui est célèbre dans le madhab al-hanbali, ils considèrent eux que ça c'est pas valable. Et leur argument, ils se basent là-dessus, pour dire ça, sur le hadith en question qu'on vient de lire, que l'imam a été placé pour qu'il soit un guide ou un exemple à suivre. Alors ne divergez pas avec lui. Et ils disent que le fait que l'imam soit en train de faire une nafila et que toi tu sois en train de faire une salat obligatoire, qu'il y a une divergence ici entre les deux dans l'intention. Et donc c'est une des divergences parmi les plus sévères, puisque c'est la base même de l'action, puisque c'est l'intention, une divergence dans l'intention. Toutefois, parmi les ulama, le madhab, l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Tabari, eux, ils ont considéré que cette prière de la personne qui fait la prière obligatoire et qui prie derrière une personne qui prie une prière surérogatoire, elle est valable. Et ça, c'est même une des positions de l'imam Ahmad. Et c'est la position que ses compagnons du madhab ont adoptée. Ibn Qudama, al-Maqdisi, un des, on peut dire que même c'est peut-être le plus grand savant du madhab Hanbali, c'est le plus célèbre, un des plus célèbres de ce madhab parmi les ulama. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est lui aussi Hanbali, et l'imam ibn al-Qayyim. Donc eux, ils ont eux aussi adopté cette position-là. Et ils se sont basés sur une preuve qui est très forte, très solide, qui est authentique, rapportée par al-Bukhari et Muslim selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, et après il retournait chez lui pour prier avec les gens de sa région, de son quartier. Donc c'est pour dire que quand il retournait chez lui, il priait avec eux, lui il faisait une prière surérogatoire, parce qu'il avait déjà prié la prière obligatoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il priait pour lui une prière surérogatoire, et ceux qui priaient derrière lui, eux priaient la prière obligatoire. D'accord? Donc ça c'est une preuve que cette prière-là, elle est valable pour eux, que c'est correct. Et il dit que il se base également sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière de la crainte, salatul khawf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec un groupe. Ça c'est dans la guerre, par exemple, dans les situations où on est dans la guerre et qu'on est dans une situation de crainte. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec un groupe, raka'atin, faisait deux raka'at. Le groupe qui était derrière lui, il prenait la place derrière, et l'autre groupe revenait et il priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux autres rak'at avec le deuxième groupe. Et pour lui c'était une surérogatoire, et pour les autres c'était la prière obligatoire encore. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est la preuve que c'était permis de prier une prière surérogatoire pour l'imam. Et l'imam, lui, il prie une prière surérogatoire, et ceux qui sont derrière lui prient la prière obligatoire. Ça, c'est la preuve que c'est valable. Ils ont dit la signification de ne diverger pas d'avec lui, c'est-à-dire d'avec l'imam, c'est-à-dire dans les mouvements de la salat. Mais dans l'intention, ça, c'est pas grave. Il dit, والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون الصلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية كالتي تمنعونها فيلزمكم التناقض في الاستدلال. Donc il dit, ceux qui considèrent que la prière elle est valable derrière la personne qui fait une prière sur le rogatoire, que la prière de celui qui prie une prière obligatoire derrière l'imam qui prie la prière surérogatoire, ils disent, c'est comme s'ils imposent à ceux qui leur disent que ce n'est pas valable un argument contraire, en leur disant, vous aussi vous considérez la prière de celui qui prie la prière obligatoire derrière la prière de celui qui fait une prière surérogatoire, malgré la divergence de l'intention, comme vous la considérez interdite. Donc ça implique que vous êtes contredit dans l'argument, en voulant dire, vous dites que cette prière elle est valable, la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, les gens priaient derrière lui, puis lui faisait une prière surérogatoire. Vous dites que cette prière était valable. Donc, ça veut dire que vous êtes contredit dans votre argument. Puisque, ici, vous dites que la divergence dans l'intention, ça, c'est pas valable. Alors que dans les hadiths, on a la preuve qu'il y a une divergence dans l'intention entre l'imam et ceux qui sont derrière lui. Donc, vous vous contredisez dans votre argument. Ça, c'est comment ils ont répondu au premier groupe. Il dit, وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ جُلُوسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ. Donc ça, c'est la deuxième question qui est mentionnée ici. C'est la question de, lorsque l'imam, il prie assis, est-ce que, si on a la capacité de prier debout derrière lui, est-ce qu'on doit s'asseoir nous aussi, ou bien on peut rester debout? Il dit, فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما. Donc le cheikh dit que les Zahiriya, le madhhab al-Zahiri, de même que Al-Awza'i et Ishaq ibn Rahouya, ça c'est parmi les grands imams, eux ils ont la position que les gens qui prient derrière l'imam qui est incapable de rester debout, ils doivent s'asseoir même s'ils ont la capacité de prier debout, et ils se sont basés sur les deux hadiths qu'on a mentionnés comme preuve, ou des hadiths qui sont dans ce sens là toutefois il dit, wa dhahaba al imaman Abu Hanifa wa Shafi'i وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه. Donc, il dit que les deux imams, Abu Hanifa et Al-Shafi'i, et d'autres également, ont la position que si la personne, elle est capable de prier debout, eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas permis pour eux de prier assis. Ils doivent obligatoirement prier debout derrière l'imam s'ils ont la capacité de prier debout. Et ils se sont basés sur le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avant sa mort, la maladie avant sa mort, il a prié, c'est quelques jours avant sa mort, il a prié assis, et Abu Bakr radiallahu anhu priait à côté de lui, debout. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est sahih. Il dit, wa ajaba ha'ula'i an hadithay al-bab ونحوهما بأجوبة ضعيفة وأحسنها جوابان الأول أن حديثي الباب وما شابههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره. Donc, eux, ils ont répondu à l'argument des deux hadiths qu'on a lus dans ce chapitre en disant, lui, l'auteur du livre, il dit, ils ont répondu par au hadith de ce chapitre par des réponses faibles. Il dit par des réponses faibles. Il dit, la meilleure des deux réponses, c'est la première. Que les hadiths de ce chapitre et ceux qui sont dans ce sens-là et qui leur ressemblent, parmi ceux qui affirment de la validité de la prière de celui qui prie alors qu'il est capable de prier, qui prie assis alors qu'il est capable de prier debout, بالقاعد القادر, c'est-à-dire celui qui est assis mais qui a la capacité de prier debout, qui prie derrière l'imam qui est assis parce qu'il est incapable de prier debout, que ça a été abrogé par le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis avant sa mort et que Abu Bakr et les musulmans derrière lui radiyallahu anhum ont tous prié debout derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était assis. Ça, c'était avant sa mort. Donc, ils ont dit, ce hadith-là, il vient abroger ce qui était rapporté avant. Et ça, c'est la réponse qui a été rapportée hein, par l'imam Shafi'i et d'autres également. Il dit, « Wa ankara l'imam Ahmad al-Nasr, wal aslu adam al-Nasr, bayna al-Nusus al-Shar'iyya, wa annahu mahma amkan al-Jam' baynahuma wa jabal masir ilayh. » لأنه إعمال لها جميعا. L'imam Ahmed, lui, considère qu'il n'y a pas d'abrogation ici. Parce que lui, il dit que du moment qu'on est capable d'appliquer les deux textes ou de garder les deux textes en même temps et de les comprendre, chacun d'une façon, chacun selon sa signification, selon le contexte, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une abrogation. On peut appliquer les deux en même temps. Le cheikh dit wal jawab al-thani, c'est quoi la deuxième réponse qu'ils ont donnée à propos des hadiths de ce chapitre? Min ajwibat al-mukhalifin li hadithay al-bab da'wa at-takhsis bin nabi sallallahu alayhi wa sallam bi an ya'um jalisan wa la yasih li ahadin ba'dahu wa hadha jawab al-imam Malik wa jama'atun min atba'ihi. والمخصص عندهم حديث للشعبي عن جابر معروفا لا يؤمن أحد أو لا يؤمن أحد بعدي جالسا وأجيب على هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه. Donc ici la deuxième réponse que les ulama ont donnée, ceux qui ne sont pas d'accord avec les hadiths de ce chapitre, ils ont dit que ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'était seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque lui il priait assis, tout le monde devait prier assis derrière lui et personne d'autre après lui. Et ça c'est la réponse de l'imam Malik et d'un groupe d'entre eux, ceux qui l'ont suivi. Et ils disent que la preuve que c'est spécifique, c'est le hadith de Al-Sha'bi qui est rapporté selon Jabir, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit que personne ne dirige après moi la prière en étant assis. Mais on a répondu à ce hadith-là en disant que le hadith, il n'est pas authentique. Le hadith en question, il n'est pas authentique. Et là, il rapporte à ce sujet-là la parole de Ibn Daqiq al-Aid. Il dit: "Qala Ibn Daqiq al-Aid, qad urifa anna al-asl عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل وقد عرض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديثا أصح منه وهو ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. Il dit, il y a même, il dit ce hadith-là, il est faible et il est contredit par un autre hadith qui est plus authentique, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud. C'est le hadith à propos de Usayd ibn Hudayr qui dirigeait son peuple ou ses gens, les gens de. Là où il était, c'est lui qui les dirigeait dans la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter. Puis, on lui a dit, ô messager d'Allah, notre imam, il est malade. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il prie assis, priez assis avec lui. Donc ça, c'est la preuve que ce n'était pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cet argument-là, elle, n'est pas valable. Il dit, wa dhahaba al-imam Ahmad ila at-tawassut بين هذين القولين وهو إن ابتدأوا بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها فجلس فأتموا خلفه قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض الموت وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن أولى من النسخ والتحريف وقد قوى هذا الجمع Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Donc le cheikh, il dit que l'imam Ahmad, lui, il a pris une position intermédiaire entre ces deux positions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si votre imam, l'imam de votre mosquée, il commence sa prière en priant debout, puis que pendant la prière, il se sent mal, alors il s'assoit. Alors, dans ce cas-là, vous continuez votre prière derrière lui en restant debout obligatoirement. Et en faisant ça, vous appliquez l'exemple du hadith de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a prié assis avant sa mort. Et que Abu Bakr radiallahu anhu et les musulmans derrière lui, ils priaient debout eux aussi. Et ça, c'est la dernière maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Et dans ce hadith-là même, si vous regardez comment ça s'est passé, c'est que Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était trop faible pour prier dans la mosquée. Il se sentait malade, donc il ne pouvait pas assister à la prière en groupe. Puis, pendant la prière, Abu Bakr, lui, il a commencé la prière, il a fait l'imam pour les musulmans. Puis pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti mieux. Tout d'un coup, il s'est senti plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour rejoindre les musulmans. Vous savez que la porte de la maison de Aïcha radiallahu anha, elle est à la même hauteur que le devant de la mosquée. Donc quand il sort, tous les gens le voient sortir. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il sent qu'il y a quelqu'un qui vient. Il sait que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, Abu Bakr radiallahu anhu, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'approche, il s'est reculé pour rentrer dans les rangs, pour laisser la place au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester. Continue. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est mis à côté de Abu Bakr radiallahu anhu. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa salat Et Abu Bakr suivait la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans derrière lui suivaient la prière d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc, ce n'était pas depuis le début de la prière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était venu pour diriger la salat. C'était pendant la salat. Et on voit donc que le jama' de l'imam Ahmad ici, il est donc en accord avec qu'est-ce que le hadith explique. Donc l'imam Ahmad, il dit, si l'imam, il commence debout, puis que par la suite, il s'assoit pendant la prière, alors dans ce cas-là, vous continuez votre prière debout. Et c'est obligatoire pour vous de le faire ainsi. Et il mentionne cet exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr radiallahu anhu. Mais il dit toutefois, si votre imam, il commence la salat depuis le début, assis. Dans ce cas-là, il dit, vous devez prier derrière lui assis, istihbaban. Il dit, dans le sens que c'est recommandé de le faire, pas obligatoire. Il dit, pour être en accord avec l'application des deux hadiths qu'on a cités dans ce chapitre. Hein, les hadiths qui disent que si votre imam prie assis, priez assis. Donc, c'est dans le sens que c'est recommandé de le faire. Et là, on voit que on a appliqué les deux hadiths ensemble. Il n'y a pas de contradiction, alhamdoulilah. Et les deux hadiths sont authentiques et ça, c'est une bonne manière de les rassembler. Et il dit donc que si on a la possibilité de rassembler deux hadiths, c'est préférable et ça a précédence à la prétention d'abrogation. Ou de chercher à essayer de déformer le hadith. Et Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, il a considéré que ce rassemblement des deux hadiths, il était fort. Hein? Il l'a considéré comme étant fort. Après, il dit, وَمِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِثَيْنِ Qu'est-ce qu'on peut tirer des deux hadiths? Le cheikh, il a mentionné 9 choses. أولاً, وَجُوبُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة. Donc premièrement, l'obligation de suivre l'imam dans la salat et l'interdiction de faire les mouvements avant lui, comme on avait dit tout à l'heure. Deuxièmement, تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها. C'est-à-dire deuxièmement, interdiction de de trop retarder ou de devancer l'imam dans la prière et la non-validité de la prière de celui qui diverge avec son imam. Le point numéro 3, « أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. » قال الفقهاء تكره المسابقة والموافقة في هذه الأعمال. Donc le cheikh dit comme point numéro 3 que qu'est-ce qui est le mieux, c'est de suivre l'imam, hein, que la personne qui est derrière l'imam, il doit suivre les actes de son imam directement. Et les fuqaha, les ulama, ils disent il est détestable de précéder l'imam ou de faire les mouvements en même temps que lui. Hein, dans ses actes qu'il fait dans la prière. Donc, comme on a expliqué, tu ne dois pas précéder ton imam, c'est-à-dire faire les mouvements avant lui. Tu ne dois pas faire al-mu'afaqa, c'est-à-dire faire en même temps que lui. Et tu ne dois pas non plus trop retarder, que tu attends trop, jusqu'à ce que justement tu manques un des mouvements de la prière à cause de parce que tu vas trop lentement. En fait, tu ne regardes pas devant toi, tu regardes à l'endroit où tu vas te prosterner. C'est ça que les ulama disent. Mais ça, c'est dans le cas où tu es dans le premier rang, que tu peux voir l'imam. Sinon, des fois, par exemple, surtout dans certaines mosquées, comme la mosquée à la Mecque ou la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux être à tellement loin de l'imam, des fois tu es dehors même de la mosquée, puis tu suis l'imam, mais tu ne le vois pas. Donc, comment tu fais pour savoir que tu ne le devances pas? Mais dans ce cas-là, tu te fies au takbir que l'imam fait, puis tu regardes le mouvement de toute la mosquée, comment les gens suivent l'imam. et les gens qui sont devant toi. Donc tu ne vas pas devancer le takbir de l'imam. Si tu entends que l'imam fait le takbir, tu ne vas pas te prosterner avant que lui ait fait son takbir. Puis tu sais à peu près combien de temps ça prend pour que l'imam se prosterne. Donc tu dis, tu laisses un petit temps jusqu'à ce que tu puisses donner le temps à l'imam de se prosterner. Comme je disais tout à l'heure, quand les sahaba voyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, ils ne penchaient pas leur dos jusqu'à ce que le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam ait touché le sol. Quand son front a touché le sol, il commençait à se pencher pour se prosterner, pas avant. Donc ça c'était l'exemple, comment les sahaba suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils font le mouvement après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, pas en même temps, puis pas avant. Et ils ne retardent pas non plus trop, surtout si quelqu'un qui prie trop vite. Des fois il y a des imams qui prient très très vite. Si tu attends trop, des fois tu risques de manquer même hein, le mouvement même. Donc il faut être modéré et être dans l'équilibre, dans le juste milieu. Donc si tu le vois, l'imam, c'est l'idéal. Parce que là, dans ce cas-là, tu sais exactement qu'est-ce qu'il fait et à quel moment il le fait. Parce qu'il est devant toi. Mais si tu es dans une situation où tu es très loin derrière et que tu ne vois pas l'imam, dans ce cas-là, tu te fies aux rangs qui sont devant toi, puis au takbir de l'imam, si tu l'entends. Oui, des fois dans la mosquée, il y en a des gens qui répètent après l'imam. Donc, celui qui répète, dans ce cas-là, c'est juste pour être sûr que tout le monde entend le takbir. Parce qu'il y a des mosquées qui sont tellement grandes que s'il n'y avait pas d'haut-parleur, par exemple, personne n'entendrait, s'ils sont trop loin, personne n'entendrait le takbir. Parce que la mosquée est immense. Mais il y a des gens qui répètent. Ou bien au cas où, si, par exemple, il y a un défaut, par exemple, le micro de l'imam, il cesse de fonctionner pendant la prière. Mais il y a des gens qui sont là, puis qui vont faire en sorte que le takbir de l'imam soit relayé, hein, puis qu'on l'entende. Même si on n'est pas derrière lui, on va l'entendre quand même, inshallah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Oui, exactement. Donc dans le cas où la voix de l'imam est trop faible, soit parce qu'il est malade ou parce que ou bien quelque chose comme ça, donc il y a quelqu'un qui va rapporter le takbir pour lui, hein, pour être sûr que les gens puissent entendre. Le point numéro 4, أن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة والاقتداء. Donc il dit, si l'imam il prie assis à cause de son incapacité de prier debout, alors dans ce cas-là, hein, il prie, les gens prient assis derrière lui, même s'ils ont la capacité de rester debout, pour continuer à rester dans le suivi de l'imam. Vous savez que la prière obligatoire, c'est pas permis de prier assis dedans si on a la capacité de prier debout. Et que si quelqu'un prie assis dans la prière obligatoire alors qu'il a la capacité de prier debout, que sa prière elle ne sera pas valable. Sa prière elle ne sera pas valable. Parce que le qiyam est un pilier dans la salat. Donc si tu pries assis dans la prière obligatoire alors que tu es capable de prier debout, dans ce cas-là, cette prière-là ne sera pas valable. Naam. Mais il donne l'exemple ici que ça c'est une exception dans le sens que si ton imam il prie assis parce qu'il est incapable de prier debout, dans ce cas-là toi tu dois prier assis pour suivre l'exemple de ton imam. Il dit comme point numéro 5, أن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما قال الإمام سمع الله لمن حمدا قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقال ابن حجر أما الإمام فيسمع ويحمد ويجمع بينهما قال يعني ابن حجر أن الإمام فيسمع ويحمد يجمع بينهما. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. Donc ici il dit que la personne qui est derrière l'imam, elle dit ربنا لك الحمد ou bien ربنا ولك الحمد, mais elle va pas dire سمع الله لمن حمده si elle est derrière l'imam. Tandis que l'imam, lui, comme Ibn Abdul Barr dit, je ne connais pas de divergence sur le fait que celui qui prie tout seul, hein, il doit dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Il dit les deux. Et celui qui, comme Ibn Hajar, il dit, la personne qui est imam, elle dit les deux aussi. La personne qui est imam, elle dit Sami Allahu liman hamida et elle dit Rabbana wa lakal hamd. C'est seulement le ma'moum, celui qui est en arrière de l'imam, qui suit l'imam, qui dit seulement Rabbana lakal hamd. D'accord? Le point numéro 6, il dit Anna min al-hikma fi ja'l l'imam fi salat al-iqtida wal-mutaba'a. Le point numéro 6 nous explique que la sagesse dans le fait d'avoir un imam dans la salat, c'est pour qu'on le suive. Ça, c'est. C'est-à-dire, on pourrait tous prier chacun pour soi. Hein? On prie en groupe tous en même temps, mais on ne pourrait pas savoir qui fait le mouvement en premier si on n'avait pas d'imam. En réalité, on ne pourrait pas prier en même temps si on n'avait pas un imam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a placés avec un imam dans la salate, pour qu'on soit organisé. Hein? Et ça, en même temps, ça indique que les la religion de l'islam, c'est une religion qui ne se pratique pas de façon individuelle seulement. C'est une religion qui se pratique en communauté, en groupe. Hein? Et ça, on a beaucoup d'exemples de ça. Donc, l'imam, il est là pour faire en sorte qu'on prie tous en même temps, ensemble, et qu'on suive cet imam-là. C'est la sagesse pourquoi il y a un imam même. Mais si chacun veut faire à sa façon, puis prier à son rythme, et faire chacun veut être l'imam, en même temps, ça ne marche plus. D'accord? Après, le cheikh dit, سابعًا, septièmement, جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. Ça veut, le point qui est mentionné, le point numéro 7, c'est qu'il est permis de faire des signes dans la prière pour une nécessité. Pour un besoin. S'il y a un besoin d'indiquer quelque chose à quelqu'un ou de faire un signe à quelqu'un, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, là, il leur dit, il leur a fait un signe avec la main pour dire asseyez-vous. Hein? Donc ça prouve que c'est permis. Quand Abu Bakr radiallahu anhu, il se reculait, il lui a fait signe de s'avancer et il s'est avancé. Donc, c'est pas que la personne qui est dans la prière, elle a aucune conscience de qu'est-ce qu'il y a autour, puis qu'elle ne réagit pas à qu'est-ce qui est autour. Non, s'il y a un besoin de faire quelque chose, tu peux le faire tant que c'est pas quelque chose qui te fait sortir de ta prière. Hein? Et parmi les ulama, des fois, ils disent, par exemple, si tu es dans ta prière, puis que la porte est devant toi, quelqu'un frappe à la porte pour rentrer, quelqu'un veut rentrer chez toi, ben c'est quelqu'un comme par exemple quelqu'un de ta famille qui veut rentrer dans la maison, puis que la porte n'est pas loin de toi, tu peux faire un pas puis ouvrir la porte pendant ta prière. Ce n'est pas un problème. Ou bien même des fois, tu es dans la prière, ton téléphone il sonne. Tu peux allumer ton téléphone, le mettre sur mute, hein, puis sur silencieux, puis tu le remets dans ta poche. Ça, c'est un des hadiths, mais il y a plusieurs autres hadiths aussi. Le prophète, comme le frère, il mentionne, il y a un hadith qui mentionne que le prophète, pendant la prière, il tenait un enfant. Il priait avec lui. Et quand il se prosternait, il le posait à côté de lui. Puis, il se prosternait. Puis, quand il se relevait, il le reprenait avec lui encore. Donc, c'est la preuve que, on peut faire ce genre de choses dans la prière. Si c'est un enfant qui ne réfléchit pas encore, qui ne comprend pas. Si c'est un enfant qui comprend, tu lui expliques que lorsque quelqu'un prie, tu ne dois pas passer devant. Mais si c'est un enfant bébé, il ne comprend pas encore, même si tu lui dis, il va faire quand même. Donc ça, c'est sûr que c'est, il ne faut pas laisser quelqu'un couper ta prière, d'accord? Mais le bébé, il faut quand il va être assez grand pour comprendre, il va savoir qu'il ne doit pas passer devant quelqu'un qui fait sa salat. Le point numéro 8. في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة فقد أسقط القيام من المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال الاقتداء. Donc il dit que on a dans ce hadith la preuve qui vient confirmer que le fait de suivre l'imam a précédence sur autre chose parmi les actes de la prière. Et la preuve de ça dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tomber l'obligation pour les gens qui suivent l'imam de se tenir debout dans la prière, alors que c'est un pilier de la salat. Hein? Il leur a fait tomber cette obligation-là. C'est la preuve que le suivi de l'imam à précédence. Il dit le point numéro 9, minhu wa minhu yu'khadhu tahattum ta'at al-qada wa wulat al-amr wa mura'at al-nidham wa 'adam al-mukhalafa wa al-inshiqaq 'ala ar-ru'asa. Fama hadhihi ash-shara'i' al-ilahiyya illa لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه ووفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعه فيجتمع شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم وما الشر إلا في التفريق والاختلاف والمراء الباطل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Donc le dernier point que le cheikh a mentionné, c'est un point qui fait en même temps une analogie entre la prière et la gouvernance. Il dit qu'on peut tirer de ça également que de la même manière qu'on doit obéir à l'imam dans la salat, on doit également obéir aux dirigeants dans le pays, hein, dans le gouvernement. Et que d'obéir aux dirigeants et de respecter le pouvoir et l'autorité et de ne pas contredire ceux qui sont au pouvoir en divergeant avec nos chefs d'État. Et que bien entendu, dans qu'est-ce qui est licite. Hein? Dans qu'est-ce qui est licite. C'est-à-dire que si ton dirigeant t'ordonne de faire un péché, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'obéir. Hein? Mais sinon, s'il t'ordonne d'autres choses qui sont permises, dans ce cas-là, tu dois obéir. Tu dois donner précédence à ça. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des législations divines. Hein? Pour nous habituer à l'écoute et à l'obéissance de nos dirigeants. Et de suivre nos dirigeants et de rester avec eux, d'être unis avec eux. À côté de l'adoration qu'on fait par cette prière-là, qu'on fait pour adorer Allah, bien sûr. Il dit donc, regardez comment l'islam est grand. Et comment les législations de l'islam sont nobles. Et comment sont merveilleux ses objectifs et ses buts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah donne donc le succès aux musulmans d'avoir la compréhension de leur religion et de la suivre, et qu'ils réunissent, hein, et qu'ils s'unissent entre eux, et que leurs rangs soient réunis pour que leurs paroles puissent être élevées. Et il n'y a pas de bien excepté dans le fait d'être unis et dans le fait de se comprendre entre nous. Et il n'y a pas de mal excepté dans la division dans la divergence et dans les disputes, hein, pour, par rapport au faux. Il y a de disputer dans le faux. Et il mentionne le verset 46 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, parce que sinon vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Et soyez patients. Certes, Allah est avec les endurants. Le verset 46 dans Surat Al-Anfal. Donc c'est ce qui vient terminer le cours d'aujourd'hui là-dessus, à ce sujet. On continuera au prochain cours, la semaine prochaine, dans ce livre. Je pensais que j'allais avoir le temps de faire le deuxième livre, mais étant donné que j'ai commencé un peu tard, on va laisser ça la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa.